Chapitre 32. Le fléau redouté n'éteindra point sa rage que le roi, d'un vieux père enfin comblant les vœux, n'ait rendu Chryséis, la fille aux noirs cheveux. Pope, traduction de l'Iliade. Uncas distribua ses forces dans une complète solitude, car, sauf ceux qui s'étaient réunis en conseil, les bois d'alentour paraissaient aussi dépourvus d'êtres humains que le jour où ils étaient sortis des mains du Créateur. Aussi loin que le regard pouvait plonger de tous côtés, sous le sombre couvert des arbres épars, il n'apercevait rien qui ne fît partie de ce paysage paisible où tout semblait dormir. Ça et là, un oiseau voltigeait entre les branches de bouleaux, un écureuil laissait tomber une noix, et le bruit suffisait à mettre en éveil la défiance des sauvages. Puis on n'entendait plus que le frémissement de l'air qui résonnait sur leurs têtes en rasant la cime verdoyante de la forêt, dont l'étendue immense était interrompue seulement par les rivières et les lacs. On eût dit que le désert, qui séparait les Delawares de leurs ennemis, n'avait jamais été foulé par le pied de l'homme, tant était absolu le silence qui y régnait. Œil de Faucon, chargé d'une partie importante des opérations, connaissait trop bien le caractère de ceux à qui il allait avoir affaire, pour se fier à de si trompeuses apparences. Quand il rejoignit son détachement, il mit Perceudin sous son bras et, faisant signe à ses compagnons de le suivre, il les ramena en arrière jusqu'au bord d'un cours d'eau qu'ils avaient traversé en venant. Là, il s'arrêta et, après qu'ils l'eurent rejoint, il demanda en Delaware : « Y a-t-il un de mes jeunes hommes qui sache où conduit cette eau ?» Un Indien étendit une main, ouvrit deux doigts et, indiquant la manière dont il se réunissait à la racine, il répondit « Avant que le soleil ait avancé de sa longueur, la petite eau sera dans la grande. » Puis il ajouta, en montrant la direction du lieu qu'il désignait, « Les deux n'en font qu'une pour les castors. » « C'est ce que je pensais, d'après son cours et la position des montagnes, » reprit le chasseur en dirigeant sa vue à travers les trouées de la cime des arbres. Delaware, nous nous tiendrons à l'abri du ruisseau jusqu'à ce que nous sentions la piste des Hurons. » Les guerriers exprimèrent, selon l'usage, leur sentiment par une courte exclamation. Mais, voyant qu'il allait guider la marche en personne, deux d'entre eux firent signe que tout n'était pas dans l'ordre. Œil de Faucon, qui comprit leurs regards expressifs, se retourna et aperçut le maître de chant qui les avait suivis. « Savez-vous, l'ami ? Dit-il gravement, et peut-être avec un peu de l'orgueil d'un homme qui sent ce qu'il vaut. « Savez-vous que nous sommes ici une troupe de tirailleurs choisis tout exprès pour une expédition des plus dangereuses et placée sous le commandement d'un particulier qui, ce n'est peut-être pas à lui de le dire, est tout disposé à leur tailler de la besogne ? Dans 5 minutes et sûrement avant qu'il s'en écoule 30, nous marcherons sur le corps d'un Huron, vivant ou mort. » « Quoique vous ne m'ayez pas communiqué verbalement vos intentions, » répondit David, dont la physionomie s'anima tout à coup et dont les yeux ternes et paisibles brillèrent d'un feu inusité. « Vos soldats m'ont rappelé les enfants de Jacob allant combattre les Sichémites, dont le chef avait méchamment aspiré à épouser une femme d'un peuple favorisé du Seigneur. Or, j'ai voyagé longtemps, j'ai séjourné souvent dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, avec la jeune fille que vous cherchez, et sans être homme de guerre, avec un ceinturon et une épée tranchante, je serais content de combattre pour sa cause. » Son interlocuteur hésita, comme s'il eût réfléchi aux avantages et aux inconvénients d'un enrôlement si bizarre. « Vous ne savez vous servir d'aucune arme, » dit-il. « Vous n'avez pas de carabine. Croyez-moi, ce que les Mingos reçoivent, ils le rendent volontiers. Je ne prétends pas à la jactance et à la férocité d'un Goliath, » reprit David en tirant une fronde de dessous son vêtement grossier et bigarré. Mais je n'ai pas oublié l'exemple du berger d'Israël. Dans mon enfance, je m'exerçais à manier cet instrument de guerre, et peut-être ce talent ne m'a-t-il pas tout à fait quitté. Ouais, dit Œil de Faucon, en examinant la fronde avec une froideur peu encourageante. « Cette machine-là servirait à quelque chose dans un combat à coups de flèche ou de couteau. Par malheur, Chacun de ces Mingos a été pourvu par les Français d'un bon fusil rayé. Néanmoins, il semble qu'il est dans votre nature de vous mêler à la bagarre sans y attraper de mal. Et comme jusqu'à présent vous avez eu la chance... Major, vous avez laissé votre chien armé. Un seul coup de feu qui partirait avant l'heure, ce serait 20 chevelures perdues sans nécessité. Allons, chanteur, vous pouvez suivre. Quand il s'agira de crier, vous nous serez utile. Je vous remercie, ami, répondit David en faisant comme son royal homonyme sa provision de cailloux dans le ruisseau. Dieu sait si je suis porté au carnage. Eh bien, si vous m'aviez rebuté, je n'aurais pas eu l'esprit tranquille. Et surtout, ajouta le chasseur en se touchant la tête d'une façon significative, n'oubliez pas que nous sommes venus pour combattre et non pour faire de la musique. Jusqu'à ce qu'on pousse le cri de guerre, la carabine seule doit avoir la parole. David fit un geste d'assentiment et œil de faucon, après avoir jeté un nouveau coup d'œil sur ses compagnons, donna l'ordre de se remettre en marche. Ils suivirent un quart d'heure durant le ravin qui servait de lit au ruisseau. L'escarpement des rives et l'épaisseur des buissons dont elles étaient bordées les garantissaient du danger d'être aperçus. Malgré cela, aucune des précautions en usage dans une attaque indienne ne fut négligée. Sur l'un et l'autre flanc de la colonne, un guerrier, détaché en éclaireur, rampait plus qu'il ne marchait, l'œil fixé sur les moindres échappées des bois. De temps en temps, la troupe faisait halte pour écouter si elle n'entendait aucun bruit suspect, opération exécutée avec une finesse d'ouïe qui serait à peine concevable chez des hommes moins rapprochés de l'état de nature. Toutefois, aucun obstacle n'interrompit leur marche, et ils arrivèrent au confluent des deux cours d'eau sans que rien n'annonçât qu'on les eût découverts. Œil de Faucon ordonna une nouvelle halte, afin d'examiner de plus près quels indices la forêt pourrait lui fournir. « Il est probable que nous aurons beau temps pour nous battre, » dit-il en anglais, en s'adressant à Hayward et en regardant les nuages qui glissaient en larges nappes sur le firmament. « Un soleil ardent et un fusil qui brille contrarient la meilleure vue. Tout nous favorise. Les coquins ont à dos le vent, qui rabattra sur nous le bruit et la fumée, ce qui n'est pas un mince désavantage, tandis que, de notre côté, le coup à peine tiré nous y verrons clair. Mais ici se termine l'abri qui nous protégeait. Les castors ont la propriété de ce ruisseau depuis des siècles, et, tant pour se nourrir que pour élever leurs écluses, ils ont autour d'eux fait place nette. Vous voyez des troncs en quantité, mais pas d'arbres vivants. Il avait en peu de mots donné une peinture assez fidèle du site où la troupe se trouvait. Le ruisseau avait un cours de largeur inégale, tantôt s'élançant des rochers par d'étroites fissures, tantôt se répandant sur des terrains bas où il formait des espèces d'étangs. On voyait le long de ses rives des débris desséchés d'arbres morts à tous les degrés du dépérissement, depuis ceux qui craquaient sur leurs troncs vacillants jusqu'à ceux qui venaient d'être récemment dépouillés de leur robe d'écorce, où gît le principe mystérieux de leur existence. Çà et là, des masses de pilotis amoncelés et couverts de mousse semblaient les monuments d'une génération primitive et depuis longtemps disparue. Tous ces détails étaient alors notés par le chasseur avec un soin minutieux dont il n'avait probablement jamais été l'objet. Le campement des Hurons était à 400 ou 500 pas de là, sur le cours du ruisseau supérieur, et pourtant on ne relevait aucune trace de leur passage. Notre chasseur redoutait un piège, et il ne dissimulait pas ses inquiétudes. Une ou deux fois, il fut tenté de donner le signal de l'attaque et d'emporter le village par un coup de main, mais son expérience le détournait aussitôt d'une tentative si téméraire. Alors il tendait l'oreille vers l'endroit où il avait laissé Uncas. Il n'en venait rien que les sifflements du vent qui commençaient à s'engouffrer par rafales dans la forêt, de manière à faire présager un orage. À la fin, se laissant aller à une impatience qui ne lui était pas naturelle, il résolut d'en finir, de démasquer sa troupe et de remonter le cours du ruisseau d'un pas circonspect mais rapide. Pour observer plus à l'aise, il s'était abrité derrière un buisson tandis que les Delawares n'avaient pas quitté le lit du ravin par lequel débouchait le plus petit des deux ruisseaux. Au signal donné par leur chef à voix basse, les guerriers gravirent le bord comme autant de spectres et se rangèrent en silence autour de lui. Après avoir indiqué la direction qu'ils désiraient suivre, Œil de Faucon s'avança et la troupe se mit à défiler à sa suite, sur une seule ligne, chacun posant le pied sur l'empreinte de celui qui le précédait, en sorte qu'à l'exception d'Hayward et de David, on ne voyait que la trace du pas d'un seul homme. À peine se furent-ils montrés à découvert qu'une décharge d'une douzaine de fusils les assaillit par derrière, et un des jeunes hommes, bondissant comme un daim blessé, retomba tout de son long à terre, raide mort. « Ah, je craignais quelque diablerie de ce genre !» s'écria en anglais le chasseur. Puis avec la rapidité de la pensée, il ajouta en langue indienne « À couvert, guerrier, chargez !» À l'instant, la troupe se dispersa, et avant qu'Hayward fût revenu de sa surprise, il se trouva seul avec David. Heureusement, les Hurons battaient déjà en retraite, et ils n'avaient rien à craindre de leur feu. Cet état de choses ne pouvait durer, car le chasseur donna ordre de les poursuivre, et lui-même paya d'exemple en déchargeant sa carabine et en courant d'arbre en arbre, tandis que l'ennemi cédait lentement le terrain. L'attaque paraissait avoir été faite par un très petit détachement de Hurons, mais à mesure qu'ils se repliaient, leur nombre augmentait au point d'égaler bientôt celui des Delawares. Hayward se jeta parmi les combattants, et ayant recours aux mêmes précautions, il soutint avec son arme un feu bien nourri. On s'échauffait de plus en plus. Peu de guerriers étaient atteints, car des deux côtés chacun s'abritait derrière les arbres et ne se découvrait en partie que pour mettre en joue. Cependant, les chances du combat prenaient une tournure défavorable à Œil de Faucon et à sa troupe. Le clairvoyant chasseur comprit le danger de sa position sans trop savoir comment y remédier et vit que la retraite était plus périlleuse que la résistance. D'autre part, l'ennemi, qui avait reçu des renforts, continuait à engrossir son flanc, de sorte que les Delawares, mis dans l'impossibilité de se protéger, étaient forcés de ralentir leur feu. Dans ce moment critique, lorsqu'ils s'attendaient à voir la tribu ennemie tout entière les envelopper et les détruire jusqu'au dernier, ils entendirent le cri de guerre, et un bruit d'armes à feu retentit sous les voûtes de la forêt, à l'endroit où Onca s'était posté, dans une vallée située en contrebas du plateau qu'ils occupaient eux-mêmes. Les effets de cette attaque furent instantanés, et elle fit une diversion favorable à Œil de Faucon. L'ennemi, paraît-il, avait prévu son coup de main, ce qui l'avait fait échouer. Mais ayant à son tour été trompé sur ses projets et le nombre de ses hommes, il avait dégarni le point sur lequel Uncas devait opérer, n'y laissant que des forces insuffisantes pour résister à l'élan impétueux du jeune Mohican. On ne pouvait en douter, car le combat semblait se reporter rapidement dans la direction du village, et en un instant le chasseur vit diminuer le nombre des assaillants qui se hâtèrent d'aller soutenir leur front de bataille et leur principal point de défense. Alors, animant ses compagnons de la voix et de l'exemple, Œil de Faucon donna l'ordre de charger l'ennemi. La charge, dans la stratégie grossière des Indiens, consistait à s'avancer de proche en proche, en passant d'un abri à l'autre. Ainsi fut exécutée la manœuvre commandée par le chasseur. Les Hurons furent forcés de reculer, et le théâtre du combat fut transporté rapidement du lieu découvert où il avait commencé à un endroit où des futaies protégeaient les assaillants. C'est là que la lutte se prolongea et l'avantage fut vivement disputé. Les Delawares n'avaient encore perdu qu'un des leurs, mais leur sang commençait à couler. Dans cette crise, Œil de Faucon trouva moyen de se glisser derrière l'arbre qui servait déjà d'abri à Hayward. La plupart de ses guerriers étaient à portée du commandement, un peu sur la droite, d'où ils maintenaient un feu vif, mais inutile contre un ennemi retranché. « Vous êtes jeune, major !» dit le chasseur en posant à terre la crosse de Percedin et en s'appuyant sur le canon, un peu fatigué par l'activité qu'il venait de déployer. « Et peut-être êtes-vous destiné à guider un jour des soldats contre ces coquins de Mingos. Vous pouvez voir ici la philosophie d'un combat indien. Elle consiste principalement à avoir la main leste, l'œil prompt et un bon abri. Dites-moi, si vous aviez ici une compagnie du Royal Américain, comment la feriez-vous marcher ? Je m'ouvrirais un passage à la baïonnette. Ah, c'est une raison d'homme blanc que vous me donnez là. Dans ce désert, voyez-vous, un chef doit s'inquiéter avant tout d'épargner la vie de ses hommes. Non, c'est le cheval. Poursuivit-il en secouant la tête d'un air chagrin. C'est le cheval, j'ai honte de le dire, qui doit tôt ou tard décider parmi nous du destin des batailles. Les animaux valent mieux pour cela que les hommes, et il nous faudra finir par en venir au cheval. Mettez un sabot ferré à la poursuite d'un mocassin. Son fusil, une fois vide, jamais peau rouge ne s'arrêtera pour le recharger. C'est un sujet à discuter dans une autre occasion, répliqua Hayward. Allons-nous attaquer ? Je ne vois pas qu'il soit contraire à la nature d'un homme, reprit doucement le chasseur, de faire des réflexions utiles tout en reprenant haleine. Quant à brusquer l'attaque, c'est une mesure dont je ne me soucie guère, car elle nous coûterait une ou deux chevelures. Et pourtant, ajouta-t-il en penchant la tête pour saisir les bruits du combat qui se livrait dans l'éloignement, si nous voulons être de quelque utilité à Uncas, il faut absolument nous débarrasser des drôles qui nous gênent. Aussitôt se détournant d'un air prompt et décidé, il interpella tout haut ses Indiens. Leurs acclamations lui répondirent, et à un signal donné, chaque guerrier fit rapidement le tour de son arbre. À la vue de tous ces corps qui se montraient au même instant à leur vue, les Hurons envoyèrent une décharge qui, faite avec précipitation, n'eut aucun résultat. Sans reprendre haleine, les Delawares s'élancèrent en bond vigoureux vers la futaie, comme des panthères qui sautent sur leur proie. Œil de Faucon était à leur tête, brandissant sa terrible carabine et les animant par son exemple. Quelques vieux Hurons, plus rusés que les autres, ne s'étaient pas laissés prendre au stratagème employé pour leur faire décharger leurs armes. Ils justifièrent les craintes du chasseur en couchant à terre trois des guerriers les plus avancés. Échec insignifiant, du reste, qui n'arrêta pas l'impétuosité de l'attaque. Les Delawares entrèrent dans le fourré avec la férocité de leur nature, et un moment leur suffit pour balayer toute résistance. Une lutte s'engagea corps à corps, mais les Hurons ne tardèrent pas à lâcher pied jusqu'à ce qu'ils eussent atteint l'autre extrémité du taillis. Arrivés là, ils firent volte-face et défendirent ce dernier retranchement avec l'espèce d'opiniâtreté que montrent les bêtes fauves quand elles sont relancées dans leur tanière. Encore une fois, la victoire allait redevenir incertaine. Tout à coup, la détonation d'une carabine éclata derrière les Hurons. Une balle partit en sifflant du milieu des loges de Castor et fut suivie d'un effroyable cri de guerre. « C'est le Sagamore ! » s'écria œil de Faucon, dont la voix de Stentor répondit au signal qu'il venait d'entendre. « Maintenant, nous les tenons en face et par derrière !» L'apparition de ce nouvel ennemi produisit sur les Hurons un effet immédiat. Découragés par une attaque si imprévue, contre laquelle ils n'avaient aucun moyen de se protéger, ils jetèrent un cri de désespoir, et lâchant pied tous ensemble, ils ne songèrent plus qu'à la fuite. Plusieurs tombèrent en traversant la clairière sous les balles et le tomahawk des Delawares lancés à leur poursuite. Nous ne nous arrêterons pas à décrire l'entrevue du chasseur et de Chingachgook, ou celle plus touchante encore de Duncan et du père d'Alice. Quelques mots suffirent pour expliquer à chacun l'état des choses, et œil de Faucon, présentant le Sagamore à sa troupe, remit le commandement entre les mains du chef Mohican. Chingachgook prit le poste auquel l'appelait son rang et son expérience, avec cette dignité qui ajoute du poids aux ordres d'un guerrier indien. Suivant les pas du chasseur, il ramena en arrière les Delawares qui scalpaient, chemin faisant, les cadavres des Hurons et dissimulaient avec soin ceux de leurs camarades. Les guerriers qui, dans l'escarmouche précédente, venaient de se signaler avec tant de vigueur, firent halte sur un petit plateau parsemé d'arbres en nombre suffisant pour les cacher. Devant eux, le sol s'abaissait en pente rapide, et une tranchée étroite, sombre et boisée, s'étendait à une distance de plusieurs lieues. C'était dans cette gorge qu'Uncas luttait encore contre le gros de la tribu des Hurons. Le Mohican et ses amis s'avancèrent sur la crête de la hauteur et prêtèrent au bruit du combat une oreille attentive. Quelques oiseaux voltigeaient au-dessus de la vallée verdoyante, comme si l'effroi les eût chassés de leur nid, et çà et là tourbillonnait au-dessus des arbres une légère vapeur qui se confondait avec l'atmosphère et désignait la place où l'affaire devait avoir été plus vive et acharnée. « Le combat monte par ici, » dit Duncan en étendant les bras du côté où une nouvelle explosion d'armes à feu venait de se faire entendre. « Nous sommes trop au centre de leur ligne pour pouvoir agir efficacement. Ils vont appuyer vers le bas-fond où le couvert est plus épais, » répondit le chasseur, « et cela nous mettra droit sur leur flanc. Allez, Sagamore, vous avez à peine le temps de pousser le cri de guerre et de mener vos Indiens en avant. Cette fois, je me battrai avec des guerriers de ma couleur. Vous me connaissez, Mohican. Pas un Huron ne passera la colline pour vous prendre à dos, sans la permission de Perceudin. » Le chef indien s'arrêta un moment pour considérer le théâtre du combat, qui semblait se rapprocher de plus en plus, preuve manifeste du triomphe des Delawares. Et il n'entra en ligne qu'en voyant les balles pleuvoir autour de lui comme des grêlons qui précèdent la tempête. Œil de Faucon et ses trois compagnons s'abritèrent à quelques pas de là et attendirent la suite des événements avec ce calme que l'habitude seule peut donner en pareille occurrence. Bientôt, le bruit des armes ne fut plus répété par l'écho de la forêt et les détonations retentirent en plein air. Par-ci, par-là, on voyait apparaître quelques Hurons qui battaient en retraite et venaient se rallier dans la clairière comme à l'endroit où devait s'accomplir le dernier effort. D'autres vinrent les joindre, jusqu'à ce qu'enfin l'entrée du taillis se garnit d'une longue ligne de guerriers farouches, décidés à une résistance désespérée. Heyward témoignait de l'impatience et tournait des yeux inquiets du côté de Chingachgook. Le Mohican, assis sur un rocher, regardait cette scène d'un œil aussi indifférent que s'il en eût été le simple spectateur. « Qu'attend le Delaware ?» demanda Duncan. « L'heure est venue de frapper. »« Pas encore, pas encore, » répondit le chasseur. « Quand il sentira ses amis, il leur fera connaître sa présence. Voyez, voyez, les coquins se rassemblent dans ce bouquet de pins comme des abeilles au retour d'une expédition. Pardieu, ils forment un tas si dru qu'une femme ne manquerait pas de loger une balle dans quelqu'une de leurs peaux cuivrées. » En ce moment, le hurlement de guerre fut poussé, et une décharge de Chingachgook et de sa troupe mit à bas une douzaine de Hurons. Au cri de triomphe qui suivit, répondit au loin une clameur semblable, et alors un tel tintamarre retentit dans les airs qu'on eût dit que 1000 voix s'étaient réunies dans un commun effort. Les Hurons reculèrent, abandonnant le centre de leur ligne, et Uncas sortit de la forêt par le passage qu'il laissait libre à la tête d'une centaine de guerriers. Agitant ses mains à droite et à gauche, le jeune chef montra l'ennemi à ses hommes, qui aussitôt se partagèrent en deux bandes et coururent à sa poursuite. Le combat fut alors divisé. Les deux ailes des Hurons, se trouvant rompues, rentrèrent dans les bois pour s'y mettre à l'abri et furent suivis de près par les enfants victorieux des Lenapes. Une minute s'était à peine écoulée et déjà les bruits s'éloignaient dans toutes les directions et se perdaient peu à peu sous les voûtes de la forêt. Cependant, un petit détachement de Hurons avait dédaigné de s'abriter et, se retirant comme des lions aux abois, ils gravissaient lentement la colline que Chingachgook venait de quitter pour prendre une part plus active à la mêlée. Au milieu d'eux, Magua se faisait remarquer par son maintien fier et sauvage et par l'air d'autorité hautaine qu'il conservait encore. Dans son empressement à hâter la poursuite, Uncas était resté presque seul, mais du moment que ses yeux eurent aperçu le renard subtil, toute autre considération fut oubliée. Poussant son cri de guerre qui rallia autour de lui 6 ou 7 Delawares, et sans tenir compte de l'inégalité du nombre, il s'élança sur les pas de son ennemi. Magua, qui surveillait ses mouvements, s'arrêta pour l'attendre, plein d'une joie secrète. Il espérait que la témérité du jeune chef le livrerait à sa merci, lorsque de nouveaux cris retentirent, et la longue carabine accourut à son aide, suivie de ses compagnons blancs. Le Huron tourna le dos et se mit à gravir la hauteur avec rapidité. Uncas ne s'était point aperçu de la présence de ses amis, et continuait la poursuite sans relâche. En vain, œil de faucon lui criait-il de prendre garde au fourré. Le jeune Mohican brava le feu de ses ennemis et les contraignit bientôt à fuir avec autant de vitesse qu'il mettait à les harceler. Heureusement, cette course ne dura pas longtemps et les Blancs étaient favorisés pour la distance et le terrain par leur position, sans quoi le Delaware eût vite dépassé tous ses compagnons et serait tombé victime de sa juvénile audace. Avant qu'un pareil malheur pût se réaliser, vainqueurs et fuyards entrèrent pêle-mêle dans le village des Hurons. Animés par la présence de leur foyer et las de courir, les Hurons firent volte-face et combattirent autour de la loge du conseil avec tout l'acharnement du désespoir. Le commencement et l'issue de cette lutte suprême se suivirent de si près qu'ils ressemblèrent au passage et à l'explosion d'un ouragan. Le tomahawk d'Uncas, la crosse d'œil de faucon et même le bras encore nerveux du colonel Monroe furent occupés activement et bientôt la terre fut jonchée de cadavres. Quant à Magua, malgré son audace et bien qu'il s'exposât aux coups de ses adversaires, il échappa à tous les efforts dirigés contre sa vie. On l'eût dit protégé par ce pouvoir mystérieux qui favorisait les héros de nos anciennes légendes. Poussant un hurlement où éclatait à la fois la rage et l'ambition déçue, le renard, après avoir vu tomber ses camarades, s'élança hors du champ de bataille, accompagné de deux Hurons, les seuls qui eussent survécu, et laissant les Delawares occupés à arracher aux morts les trophées sanglants de leur victoire. Mais Uncas, qui l'avait inutilement cherché dans la mêlée, se précipita de nouveau à sa poursuite. Œil de faucon, Hayward et David s'empressèrent de le suivre, et tout ce que le chasseur put faire fut de tenir un peu au-devant du jeune chef le canon de son fusil. C'était comme un charme secret qui lui servait de protection. Un moment, Magua parut disposé à tenter un dernier effort pour venger sa défaite, mais renonçant aussitôt à cette intention, il se jeta dans un taillis épais où ses ennemis le suivirent et entra tout à coup dans la caverne dont nous avons déjà parlé. Œil de faucon, qui ne s'était abstenu de tirer que par égard pour Uncas, à qui il voulait laisser l'honneur de cette victoire, poussa un cri de joie en voyant que leur proie ne pouvait plus leur échapper. Les vainqueurs se précipitèrent dans l'ouverture longue et étroite de la caverne, assez à temps pour apercevoir les Hurons qui battaient en retraite. Leur passage à travers la galerie et les salles souterraines fut précédé des gémissements et des cris de plusieurs centaines de femmes et d'enfants qui s'enfuyaient. À la clarté sépulcrale de ce lieu, on eût cru voir les régions infernales traversées par une multitude confuse de fantômes et de démons. Cependant, Uncas ne voyait que Magua. Il ne le perdait point de vue un seul instant, comme si à ce seul objet eût été attachée sa vie tout entière. Hayward et le chasseur marchaient sur ses pas, animés par le même sentiment, quoiqu'à un moindre degré d'exaltation. Mais plus ils avançaient dans ces défilés tortueux et sombres, plus il leur devenait difficile de se guider, et plus ils avaient de peine à distinguer leurs ennemis en fuite. Il leur arriva même de croire avoir perdu leurs traces, lorsqu'ils virent flotter une robe blanche à l'extrémité d'une galerie qui semblait conduire au sommet de la montagne. « C'est Cora !» s'écria Hayward d'une voix où se mêlaient l'horreur et la joie. Et Uncas de répéter en bondissant comme le daim des forêts. « Cora ! Cora !»« C'est la jeune dame !» dit à son tour œil de faucon. « Courage, madame ! Nous arrivons, nous voici !» La chasse recommença avec une ardeur que cette vue venait de décupler. Mais le chemin était inégal, plein d'aspérités et en plusieurs endroits presque impraticable. Uncas jeta sa carabine et s'élança en avant avec une précipitation passionnée. Le major en fit autant, et presque aussitôt tous deux reconnurent leur folie en entendant la détonation d'une arme à feu qu'un des Hurons trouva le temps de décharger dans le passage et dont la balle fit même au jeune Mohican une légère blessure. « Il faut en venir aux mains !» dit le chasseur en dépassant ses amis par un élan rapide. « Les coquins nous descendront tous à cette distance !» « Voyez, ils tiennent la jeune fille de manière à s'en servir comme de bouclier !» Quoique ces paroles ne fussent point comprises, ni peut-être entendues, Son exemple n'en fut pas moins suivi par ses compagnons, qui parvinrent à se rapprocher assez des fugitifs pour voir que Cora était entraînée par les deux Hurons, tandis que Magua leur montrait le chemin. En ce moment, les quatre figures se détachèrent fortement sur le fond du ciel qu'on apercevait à travers une ouverture. Dans la frénésie de l'exaltation, Uncas et Hayward redoublèrent des efforts qui étaient déjà plus qu'humains et sortirent de la caverne sur le flanc de la montagne, assez à temps pour remarquer la route que suivaient les sauvages. Il fallait gravir un sentier difficile et périlleux. Gêné par sa carabine et ne prenant peut-être pas à la captive un intérêt aussi vif que ses compagnons, le chasseur se laissa un peu devancer par eux. Uncas marchait en tête. De cette manière furent franchis avec une incroyable rapidité des rochers, des précipices, des obstacles qui, dans toute autre circonstance, eussent arrêté le courage le plus téméraire. Ils se trouvèrent récompensés de leur fatigue en voyant qu'ils gagnaient rapidement du terrain sur les Hurons dont Cora ralentissait la marche. « Arrête, chien de Wyandot !» s'écria Uncas en brandissant vers Magua sa hache étincelante. « C'est une fille de Delaware qui te l'ordonne !»« Je n'irai pas plus loin !» dit Cora en se retenant à la pointe d'un rocher qui dominait un gouffre profond à peu de distance du sommet de la montagne. « Tue-moi, si cela te plaît, odieux Huron, je n'irai pas plus loin !» Les Indiens qui soutenaient la jeune fille levèrent leur tomahawk sur elle avec une joie de cannibale. Mais Magua arrêta leurs bras prêts à frapper et leur arracha leurs armes qu'il jeta par-dessus le rocher. Puis, tirant son coutelas, il se tourna vers sa captive avec un regard où se peignait l'énergie des passions les plus contraires. « Femme, dit-il, choisis !» Le wigwam du renard subtil ou son couteau ? Cora ne le regarda pas, mais tombant à genoux, une expression extraordinaire illumina ses traits. Elle leva les yeux et étendit les bras vers le ciel en disant d'une voix douce et pourtant assurée : Je suis à toi, mon Dieu. Dispose de moi comme il te plaira. Femme, répéta Magua durement, choisis ! Cora, abîmée en extase, n'entendit point sa demande. Le Huron tremblait de tous ses membres. Il leva le bras et le laissa retomber de l'air égaré d'un homme qui lutte contre lui-même sans savoir à quoi se résoudre. S'imposant un nouvel effort, il leva encore l'arme meurtrière quand soudain un cri perçant se fit entendre au-dessus de lui et il vit Uncas s'élancer d'une hauteur prodigieuse sur l'escarpement du rocher. Magua recula d'un pas et l'un des Hurons profita de ce mouvement pour plonger son couteau dans le sein de la jeune fille. Magua se jeta comme un tigre sur le bourreau qui déjà s'éloignait, mais Uncas, dans sa chute, sépara les combattants et roula aux pieds de Magua. Ainsi arrêté dans son projet homicide et rendu furieux par le meurtre dont il venait d'être témoin, celui-ci enfonça son arme dans le dos du Delaware renversé et poussa un cri infernal en commettant ce lâche attentat. Comme la panthère blessée qui se retourne contre le chasseur, Uncas eut la force de se relever et étendit à ses pieds le meurtrier de Cora. Mais cet effort épuisa tout ce qui lui restait de vigueur, et il retomba à terre, écrasant son ennemi d'un dernier regard de haine et de fierté. Magua saisit par le bras le jeune chef incapable d'opposer aucune résistance et le frappa trois fois en pleine poitrine avant que sa victime, qui continuait à fixer sur lui un regard d'ineffable mépris, s'affaissa morte à ses pieds. « Grâce ! Grâce, Huron ! » s'écria d'en haut la voix d'Hayward, à qui l'horreur ôtait presque la parole. « Fais-lui grâce si tu veux qu'on ait pitié de toi !» Le vainqueur regarda le suppliant jeune homme, lui montra l'arme dégoûtante de sang et poussa un hurlement si féroce, si horrible et qui exprimait si cruellement la joie du triomphe que le bruit en parvint aux oreilles de ceux qui combattaient dans la vallée à mille pieds au-dessous de lui. Un cri effrayant y répondit. C'était celui d'Œil de Faucon, dont on voyait la personne gigantesque s'avancer rapidement vers lui à travers ces rocs dangereux, d'un pas aussi hardi et assuré que si quelque pouvoir invisible l'eût soutenu en l'air. Hélas, lorsqu'il arriva sur le théâtre de cet impitoyable massacre, il n'y restait plus que les morts. Après avoir jeté sur eux un seul regard, son œil perçant mesura les obstacles que présentaient les rocs escarpés qu'il avait devant lui. Au sommet de la montagne et à l'extrémité de sa crête se tenait un homme, les bras étendus et dans une attitude de menace. Sans s'arrêter à l'examiner, Œil de Faucon levait déjà sa carabine lorsqu'un fragment de rocher tombé sur la tête d'un des fugitifs lui fit reconnaître dans celui qu'il avait lancé la personne de l'honnête David dont les traits étincelaient d'indignation. Magua sortit alors d'une cavité où il s'était reposé un instant et passant avec une calme indifférence par-dessus le corps du dernier de ses compagnons, il franchit d'un saut une large fissure et gravit les rochers jusqu'à un endroit où le bras de David ne pouvait l'atteindre. Encore un saut, il allait gagner le bord opposé d'un second précipice et il était sauvé. Avant de prendre son élan, le Huron s'arrêta et, faisant au chasseur un geste de menace, lui cria « Les visages pâles sont des chiens, les Delawares sont des femmes, Magua les abandonne sur les rochers pour qu'ils servent de pâture aux corbeaux !» À ces mots, il éclata d'un rire saccadé et prit un élan terrible. Mais au lieu d'atteindre l'autre bord, il manqua le but, retomba et ses mains s'accrochèrent à un arbuste qui croissait sur le flanc du gouffre. Œil de Faucon l'avait suivi en rampant et l'émotion agitait ses membres d'un tel tremblement que le canon de son fusil à demi levé flottait en l'air comme une feuille agitée par le vent. Sans s'épuiser en efforts inutiles, le renard laissa retomber son corps de toute la longueur de ses bras et rencontra une saillie de roche pour appuyer son pied. Puis, réunissant toutes ses forces, il réussit à amener peu à peu ses genoux sur le bord de la montagne. Ce fut dans ce moment, et quand le corps de son ennemi était replié sur lui-même, que le chasseur rapprocha l'arme de son épaule et le coucha en joue. Les rochers environnants n'étaient pas plus immobiles que ne le devint sa carabine au moment où il tira. Les bras du Huron se détendirent et son corps fléchit un peu en arrière pendant que ses genoux retenaient leur première position. Jetant sur son ennemi un regard de haine implacable, il eut encore la force de le braver du geste. Soudain, il lâcha prise et l'on vit le farouche indien fendre l'air la tête la première et friser dans sa chute rapide la bordure d'arbrisseaux suspendus au flanc de la montagne, au bas de laquelle l'attendait une destruction effroyable.